soleil que l'on n'a pas en vert. Tout petit bout de cœur, et en quelques heures, te voilà l'ami de milliers de fleurs. Tu avais à peine quelques jours de vie, et les arbres ont entendu tous tes cris. Puis les ailes déployées des amis cigales firent vibrer l'éclat d'une cathédrale. Tout petit bout de tout vivait sur une île d'un univers que l'on n'a pas fragile. Près des roseaux timides sous les nénuphars, on n'y voit rien, pourtant ça se bagarre. Pas de guerre, oh non, juste l'envie de survivre dans un monde isolé d'une autre meurtrie. Des enfants qui murmurent quelques airs d'Irlande n'oublieront jamais ce qui pour rendre la nature fertile.